Ok. Je lance l'enregistrement personnellement. Ok. Alors, en 3, 2, 1, on fait 3, 2, 1, prout. 3, 2, 1. 3, 2. Mais non. Mais non, t'inquiète, t'inquiète. 3, 2, 1. Prout. Bah, pas chez moi, mais c'est pas grave, je pense que c'est bon. Alors. Ok. Salut à tous. C'est le confinement sur Terre, mais heureusement, pas dans notre galaxie lointaine préférée. Aujourd'hui, je suis accompagné par Grushkov. Salut Grushkov. N'hésite pas à dire. En fait, je dis jamais qui je suis. Les gens, ils savent pas qui je suis. Attends, je vais. Je vais. Et au pire, dis salut Adrien, comme ça, c'est bon. Adri 2. Adri 2. Je casse le 1. Comment est-ce que tu vas? Bon, bah écoute, ça ne peut qu'augurer des bonnes choses. Entre une fiction audio officielle prévue pour l'automne prochain, la série Obi-Wan qui nous montre enfin ses grosses pointures, et le spin-off de The Clone Wars qui arrive très bientôt, faut qu'on en parle. Ok. Grushkov, on a appris une très belle chose il y a quelques jours. On dit maître tempête. Ouais. Son grade, en fait. Maître Tempête. Menace. Ça donne envie. Je sais pas si ce sera adapté en français parce que pour le coup, on n'a pas de nouvelles. Alors, il me semble pas, ouais, justement, que la première fiction audio de Star Wars, qui était donc sur Count Dooku, a été traduite en France. Oui, c'est ça. Alors, ce qui paraît, c'est automne. Ouais, comme je dis, il n'y a pas de date officielle. Néanmoins, hein, c'est prévu pour automne prochain, donc automne 2021. T'inquiète, je couperai ça. T'en fais pas. Ok. Petit message pour Lucasfilm. Si vraiment ils cherchent une équipe pour faire des audiodramas en français, nous on est là, il n'y a aucun problème. Même gratos, hein, moi ça me dérange pas un jeu. Ouais, mais je sais, mais. Ouais. Ouais. Eh, tu le fais bien. Bon allez, on enchaîne. Et oui, il y a eu enfin l'annonce du casting d'Obi-Wan Kenobi, hein, la prochaine série sur ce personnage tant apprécié de la part de la communauté, de la part de tout le monde, hein, qui déteste Obi-Wan Kenobi, je pense personne. Donc, dans cette série, on avait déjà quelques noms qui étaient annoncés, hein, donc Ewan McGregor qui reprend son rôle de d'Obi-Wan. Hayden Christensen qui est casté a priori en tant que Dark Vador. On verra ce qu'il en est. On avait également eu des échos de la part de Lucasfilm qui nous disait que Indira Varma, hein, l'actrice qu'on avait déjà pu voir dans Game of Thrones, allait faire son apparition dans la galaxie Star Wars avec Obi-Wan Kenobi. Mais alors là, ils nous ont montré tout un tas d'acteurs et actrices qui venaient et même revenait hein, au sein de la galaxie avec en premier lieu Moses Ingram, l'actrice qu'on avait pu voir dans le rôle de Jolene dans la série The Queen's Gambit, qui était absolument cool. Mais également, on reverra qui d'autre, Grushkov, qu'on a déjà vu auparavant dans Star Wars. Absolument. Et on a également l'annonce de l'acteur Kumail Nanjiani, qu'on a pu voir dans des séries super cool, telles que Silicon Valley, hein, qui joue dedans un personnage absolument fantastique dans Silicon Valley. Et c'est un peu drôle parce que il y a de plus en plus d'acteurs de cette série qui viennent dans Star Wars. Le premier, à ma connaissance, c'était l'acteur qui interprétait Nikku dans la série Star Wars Resistance. On a également d'autres acteurs comme Rupert Friend qui jouait dans le deuxième film Hitman 47, qui était d'ailleurs ce qui paraît très oubliable. Hein. Mais également, on a Oshie Jackson, donc le fils d'Ice Cube, qui a joué son papa dans le biopic à propos de Straight Outta Compton. Et également, on a également les actrices et acteurs Simone Kessel. Simone Kessel, non, comment on dit? Simone Kessel. Benny Safdie, mais également Sun Kang, hein, qu'on a déjà pu voir dans les films Fast and Furious. Il joue le personnage de Han Lu depuis de Han Lu dans les Fast and Furious. Donc voilà, beaucoup de têtes, beaucoup de grosses têtes, pas forcément les têtes d'affiche au premier lieu, mais des acteurs qui sont déjà très connus et qui ont surtout enfin, énormément de qualité de jeu, quoi. Ouais. Ouais, et à ce propos, d'ailleurs, pas tellement gros mystère, puisque Moses Ingram, l'actrice qui interprétera un personnage dont on ne sait pas encore le nom, a teasé sur Instagram, elle a dit que I play with lightsabers, avec un smirk, un emoji smirk. Donc pour le coup, pour le coup, on est super content de voir arriver ces acteurs, ces actrices. C'est vraiment génial. Donc voilà, à voir. Mais on a super hâte au Faucon Millénial. Non, c'est pas ça, c'est. Ok. Nickel. Oh putain, too many characters, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Bref, allez, on enchaîne. Vraiment, mais ils vont épuiser Luke jusqu'à la moelle. Bref, allez, on enchaîne. Grushkov, au cours de cette dernière semaine de mars, on a eu. Dernière ou avant-dernière, c'était quand déjà? Hier et avant-hier? Non? Ouais, c'est ça. Je vais le refaire. Mon petit Grushkov, durant cette dernière semaine de mars 2021, on a également été gâté par le trailer de la prochaine série d'animation, The Bad Batch. Ouais. Oui, on en voit même pas mal, hein, mine de rien, au cours de ces 2 minutes de teaser uniquement. On a pu voir le personnage de Ming-Na Wen, donc Fennec, qu'on avait déjà vu dans la saison 1 et 2 de The Mandalorian et qu'on reverra dans The Book of Django, The Book of Boba Fett. Et on a vu également qui d'autre, mon petit Grushkov, je te laisse annoncer. Tarkin, absolument. Ouais, on a également pu voir Rex. On aperçoit Rex, donc l'ancien clone trooper. J'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont en faire, même si a priori on sait comment ils terminent, puisque la série se passe juste après l'épisode 3. Et donc Rex, au-delà de ça, hein, réapparaît dans la série Star Wars Rebels. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on connaît déjà, d'autres un peu moins, qui nous laissent dans le flou. C'est le cas du personnage de. Alors, j'ai lu sur Internet, qui s'appelle, voilà, j'ai lu Omega. Donc en fait, c'est un petit, c'est une fille, une petite fille qui semble être liée d'une manière ou d'une autre à la royauté. Je ne sais pas tellement quoi. Mais donc voilà, les clones du Bad Batch vont eh bien collaborer avec cette jeune humaine. Donc on a eu des réactions un petit peu diverses au sein de la rédaction carrément. On a eu des réactions un peu diverses au sein du podcast. Grushkov, si toi t'étais un petit peu méfiant à l'égard de cette bande-annonce, moi j'étais vraiment saucé et beaucoup plus que je n'imaginais. Oui, ils ont pris finalement l'exemple sur sa grande sœur, hein, la fin de The Clone Wars, la saison 7 de The Clone Wars, qui montrait déjà un final beaucoup plus long, divisé en 4 épisodes, non, 3 épisodes, je sais plus. Tandis que voilà, comme tu disais, le Bad Batch aura un épisode de 70 minutes pour débuter, et donc ça sortira le 4 mai, hein, May the 4th, le jour de Star Wars, pour atteindre une diffusion quotidienne. Pour atteindre une diffusion hebdomadaire à partir du 7 mai, donc 3 jours après. N'hésite pas à teaser qu'on en fera des épisodes de ça. Je te laisse faire. Ah, bah, merde, moi je voulais qu'on couvre tout Star Wars. Oui, vous avez d'ailleurs été super nombreux à nous suivre. Donc merci à tous. Et puis bah, let's do it again. Oui, gros cœur sur toi, Matt, si tu nous entends. Ouais, mais ça, c'est cool. Allez, hop, on va pouvoir conclure. Et encore du boulot, Taref. On conclut. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast, cet épisode de Faut qu'on en parle. Merci à toi, Krushkov. C'est toujours un plaisir de partager ces petits moments avec toi. Oh, t'es gentil. Alors oui, je voulais m'excuser d'ailleurs parce que ça fait presque un mois qu'on n'a pas fait d'épisode. J'ai eu un mois de mars assez chargé, mais ça devrait rentrer dans l'ordre. Et en plus, on peut le dire, on n'a pas eu beaucoup de news à se mettre sous la dent au cours de ces dernières semaines. Donc là, on en profite qu'il y en ait quelques-unes pour, eh bien, vous sortir un épisode maintenant. Merci à toutes et à... Pardon. Oui. À la bibliothèque verte, oui. Star Wars en littérature en France actuellement est en train de voilà exploser. Hein. On a vu des ruptures de stock pour La Lumière des Jedi, hein, ce premier livre de la Haute République. Donc, si vous voulez vous procurer votre exemplaire, n'hésitez pas, puisque a priori, eh bien, on va pas dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà, il y aura plusieurs tirages. Voilà, donc pour le coup, c'est. Vous avez de quoi lire. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, c'est très bien, c'est bon ça. À bientôt, merci à tous, merci à tous, à bientôt, bisous. Salut. Oh. D'ailleurs, je me dis, on dit bisous, mais est-ce que c'est bien de dire bisous? On peut, t'as coupé l'enregistrement ou pas? Bah, on peut dire au salut. Salut! Voilà, merci. Nickel!